Salut Daniel. Mercredi passé, c'était le souper Genesis. Puis on a une conversation. Ah oui? Ben oui! Une chance, je m'en souviens. J'ai passé des formations. Puis on a eu une conversation très intéressante sur l'apothéose et l'apocalypse. J'aimerais que tu résumes un peu ce dont on a parlé. Ah ben c'était intéressant, en tout cas. Mais c'est parce que c'est pas la question que je vais poser, là. Ah bon? OK, il y a... Ben, grosso modo, ça c'était un espion chinois. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que je ne résumerai pas, là, mais il y a un point intéressant qui va aller probablement avec ta question. C'est que l'apothéose, souvent, tout le temps à travers l'histoire, pour la conscience humaine, l'apothéose, c'est quelque chose qui va suivre l'apocalypse. Donc, il y a, par exemple, juste au niveau de la vision hindouiste, la vision brahmanique de la vie, il y a quatre grands cycles, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de rein, l'âge de fer. Et présentement, selon ce cycle, nous sommes dans l'âge de fer. Et selon les pessimistes, nous sommes dans l'âge de fer de l'âge de fer. Donc, nous sommes dans le Kali Yuga, l'âge du mal, le Kali du Kali Yuga. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'après le Kali Kali Yuga, donc après l'apocalypse finale de l'âge de fer, l'humain va vivre 13 800 ans d'âge d'or, qui est le millénium. Donc, c'est un âge apothéosique. Bon, mais premièrement, ces quatre âges-là, est-ce que c'est vrai? C'est totalement vrai, sauf que c'est totalement faux. D'après ces quatre âges-là, il y a déjà eu un âge d'or. Ah, il y a déjà eu un âge d'or, c'est officiel. Donc, il y a déjà eu une apothéose. Ah, c'est officiel. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Mais c'est quoi, de la publicité? Oui, effectivement, Brahma fait de la publicité. Mais c'est que tout cela est vrai et tout cela est faux. Autrement dit, tout cela est vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Autrement dit, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, explique. C'est clair. Alors, il arrive ceci donc, c'est que normalement, l'humain, un peu comme d'ailleurs l'évangile de Luc, vous connaissez Luc? C'est un pauvre gars qui a écrit des choses. Et puis dedans, il rapporte un peu les paroles du Nazaréen à un moment donné. C'est le seul évangéliste dans les évangiles qui ont été publiés qui en parle. Il parle de la venue de Jésus, où, par exemple, il va arriver tel un voleur, quand les gens s'y en attendront pas, et patati patata. Ben, il disait le Christ, là, il disait... Oui, le retour du Christ, c'est ça, le retour du Christ, de Jésus, du Christ, bon. Et puis, par la suite, il va y avoir un paquet de drames, il va y avoir des épidémies, il va y avoir un paquet de choses du genre. Et finalement, ça, c'est avant l'instauration du règne de Dieu, donc avant l'instauration d'un millénium, qui, pour eux, était 1000 ans de paix, mais à l'époque, 1000 ans, c'était aussi énorme que 13 800 ans. Et donc, ils s'attendaient à un millénium après une apothéose. Mais ça fait partie, ça, de la vision très méritoire de l'évolution archangélique des troupeaux, des masses. Ça veut dire, par exemple, tu souffres énormément sur la Terre. Plus tu souffres, plus tu auras un ciel intéressant. C'est une différence potentielle, c'est-à-dire que plus on t'arrache dedans, bien, quand on te laisse en paix, même si ça fait encore mal, ça fait moins mal, tu te sens bien. L'humain continue à penser qu'il doit absolument souffrir pour gagner la paix. Mais est-ce que c'est déjà arrivé une fois pour qu'il continue à penser ça? Ce n'est pas utile de dire oui ou de dire non. Bref, ce n'est pas utile de répondre à la question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue de l'humain, s'il souffre sur la Terre au nom de Dieu, donc en fonction d'un millénium, autrement dit, si l'humain a la capacité de souffrir et d'endurer dans le but d'avoir la paix, selon les théologies, il aura la paix. Mais celui qui ne mérite pas son ciel, qui ne mérite pas son nirvana, n'aura pas la paix. Lui a des chances de se réincarner selon les visions brahmaniques ou hindouistes ou bouddhistes. Maintenant, si on regarde, par exemple, l'être humain qui vit, donc qui ne meurt pas, dans les cycles du temps, on aura la même chose. Après le beau temps vient la tempête, et après la tempête vient le beau temps. Donc après la pluie vient le beau temps. Mais c'est ça, après ça, il y a une autre tempête. Exactement, c'est partie des cycles qui sont chers à toutes les religions, aux ésotérismes, aux scientifiques, à l'humain. L'humain adore vivre dans les cycles, L'humain se dit, si c'est maintenant la paix, préparez la guerre s'en vient. Quand c'est la guerre, à un moment donné, on recherche la paix. Et l'humain adore les cycles comme ça, alors que ces cycles-là font partie d'une mécanique qui n'emprisonne pas l'homme, mais que l'homme finit par acquérir comme étant des lois naturelles de sa propre gestation évolutive. Si on considère l'individu qui vit s'attend à vivre, surtout lorsqu'on approche d'années chrétiennes où il y a 3-0, donc 1800, 1900, l'an 2000, l'an 2100, etc., où il y aura 2-0 rendus là, évidemment, mais là où on a des zéros à la fin, du minimum 2-0 collés, lorsque l'humain approche d'une fin de centenaire, l'humain a l'impression qu'il approche de la fin du monde. Bon, allez savoir pourquoi, mais une chose certaine, c'est que l'humain pense qu'il va déménager. Mais s'il ne pensait pas ça du tout, il ne créerait pas ça du tout dans l'astral, donc il n'approcherait pas d'une fin du monde. Non. Donc, c'est juste l'homme qui crée ça. Absolument. Et là, ce qui arrive, c'est qu'évidemment, l'humain, à travers le temps, va viser 1-0, ça traumatise un tantinet. 2-0, ça traumatise énormément. 3-0, ça, c'est phénoménal comment ça traumatise. Imaginez 4-0. Bon, mais pour l'instant, évidemment, 4-0... Il y en a un autre qui va venir, puis ils vont recommencer à compter à partir de sa naissance. Ben oui, mais pour sauver du temps, oui, des zéros de moins. Parce que là, 1950, 80, 90, c'est important. Là, 1900, 2-0, 1800, 1600, ça a été des années où les gens, l'humain, souvent vont penser que c'était la fin du monde. Mais l'an 1000, ce fut terrible. L'an 2000, là, on a 3-0. Alors, évidemment, ça y va par là. Ça brasse, le camarade. Et puis, après, donc, on s'attend à un apocalypse majeur. Et après l'apocalypse, on dit, il y aura l'apothéose. Ce que je disais mercredi, c'est que ce que l'humain qui se conscientise comprend au fur et à mesure qu'il parvient à voir la vie, autrement que dans les quatre dimensions einsteiniennes, la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps, lorsque l'humain est capable de voir le monde en fonction de la pluralité actuelle des mécaniques temporelles, c'est-à-dire que lorsque l'humain est capable de se rendre compte qu'il vit actuellement ici, qu'il vit actuellement là-bas dans une adresse temporelle différente, donc, l'humain est capable de comprendre que non seulement il n'a pas vécu dans le passé, mais qu'il vit actuellement dans le passé, que le passé est aussi présent dans la réalité que le futur, que ce que lui appelle le présent actuellement. Lorsque l'humain a la capacité de comprendre que s'il est capable de communiquer avec lui dans le passé, il va changer des événements qui vont immédiatement changer les événements de sa vie ici, sans traumatiser personne, parce qu'il n'y a personne qui va être capable de se rappeler qu'effectivement, il s'est passé telle chose. Je n'ai pas de pot d'eau, j'ai un pot d'eau, il n'y a personne qui peut me dire que j'en avais pas. Bon, puis s'il n'y a pas de pot d'eau, il n'y a personne qui peut me dire qu'il y en a un. Ça ne paraît pas, et ça, quand l'humain est capable de comprendre la réelle mécanique illusoire de du phénomène temporel, il est aussi capable de comprendre la métamorphose au niveau des plans existentiels du monde. C'est-à-dire que l'homme, la femme, l'enfant, qui a suffisamment de conscience et qui est capable de voir le monde autrement que dans la quadrille dimensionnalité traditionnelle, l'humain qui est capable de comprendre ça va comprendre qu'il y a le monde actuel qui se dirige théoriquement vers un apocalypse. Donc, en réalité, il y a un apocalypse actuellement, mais qui se vit dans une adresse temporelle future. Et il y a d'autres apocalypses qui se vivent dans des adresses temporelles du passé. Mais que l'apothéose ne suit pas l'apocalypse, mais que l'apothéose est quelque chose qui est parallèle à l'apocalypse. Donc, l'être humain qui est capable de vivre une gestion saine dans l'intelligence des réalités temporelles a la capacité progressivement de se métamorphoser, c'est-à-dire de se transformer totalement de la pierre en crapaud et du crapaud en prince ou en princesse. Il a la capacité de vivre, de se désaligner du monde dans lequel il croit être pour progressivement apparaître dans le monde qu'il vise. Donc, l'être humain n'a pas besoin d'attendre l'apocalypse pour après vivre l'apothéose. L'apothéose, elle est parallèle à nous. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de vibratoirement, de changer simplement de continuum pour commencer à vivre l'apothéose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain qui a tendance à se transporter, à transiter vers l'apothéose, va progressivement avoir toutes les lignées de sa vie s'améliorer. Et nécessairement, l'humain qui va faire ce changement-là au départ, c'est un être transitif. L'être transitif n'a pas la capacité, comme l'être nouveau va l'avoir, de faire une transition de tous les plans dans lesquels il vit en même temps, dans un monde apothéosique. Bon, c'est ça, là. Fait que l'être transitif qui veut faire ça... L'être transitif, lui, où il est présentement, on va faire un petit dessin ici. Alors, on a le passé qui est ici, on a le présent qui est ici, et on a le futur qui est ici, on va dire. Bon. L'être humain vit dans une mécanique qui est ici. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le parallélisme des mondes est continuellement en contact. Autrement dit, il y a de temps en temps, je vais prendre du rouge, il y a, par exemple, le monde est comme ceci. Bon. Ça, c'est une lignée. C'est un monde. Et l'autre monde, il est comme ceci. Mais là tu parles-tu des différentes vies? Oui, ou... là, je parle de deux plans parallèles. Bon, alors, on a le passé, le présent, le futur. Deux plans parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, dans ton apothéose, tu rentres dans l'Apocalypse. OK, il y en a un qui représente oui, l'apothéose. De temps en temps, dans l'Apocalypse, tu rentres dans l'apothéose, mais il faut comprendre que j'ai dessiné deux lignes, mais qu'il y en a une infinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont une tendance inéluctable à suivre que le chemin de l'Apocalypse. Donc, malgré que dans un monde où toi, tu vas dire, ça ne va pas si pire que ça, lui, il y a un accident sortant de chez lui, il tombe ses fesses, il se brise une hanche en descendant son automobile, il perd ses clés, il gèle un doigt, il attrape le sida, puis il n'a pas couché avec personne. Il a lu là-dessus, puis il a attrapé le sida, tu sais, bon. Elle ne fait pas de peur à personne, là. C'est ça. Alors, ça, c'est une personne qui vit dans une mécanique apocalyptique. C'est ça, mais actuellement, est-ce qu'il y a plus de plans parallèles comme ça qui sont apocalyptiques non. par rapport à ceux... Non, oui. Sauf qu'étant donné que l'apocalypse pour un être conscient, c'est lorsque l'intelligence ne peut pas s'exprimer. Dans le passé, l'intelligence, plus on a de technologies, plus l'intelligence peut s'exprimer. Donc, plus c'est passé, plus ça devient apocalyptique pour un être intelligent. Donc, de ce fait, on peut dire oui, il y a plus de phénomènes apocalyptiques, mais pas dans le sens créer apocalypse. Non, parce que dans le fond, si on avait des mémoires de futur... Si tu ne serais pas conscient, il y aurait plus de monde apothéosique. Pour toi. Autrement dit, quand tu rencontres un gros gorille qui vient de faire des enfants, là, c'est l'apothéose. Alors qu'actuellement, ce serait l'apocalypse. Donc, c'est pourquoi je te dis qu'il n'y a pas, du point de vue de l'observateur, l'observatrice, il peut y avoir plus ou moins, mais c'est pas eux-mêmes. Dans la réalité. OK, c'est eux-mêmes qui colorent. C'est ça, pas dans la réalité. Ça veut donc dire que l'être humain, ici, se promène comme ça et il vit une vie particulière. Bon, si, par exemple, un être humain a tendance à s'accrocher vibratoirement à un monde apothéosique, de temps en temps, il peut en couper une courbe. Donc, quand un monde apocalyptique vient se juxtaposer à son monde à lui, il peut se rendre compte qu'il y a des stupidités, mais ça ne le touche pas. Donc, il reste dans son monde apothéosique. Mais ce qui va arriver souvent, étant donné que l'être humain est extrêmement manipulable, que l'être humain n'est pas centré chez lui, et que l'être humain ne comprend pas la mécanique réelle des mondes parallèles, ainsi que de la continuité linéaire du phénomène temporel, qui est présent instantanément en même temps, l'être humain a tendance à culbuter d'un monde à l'autre. Ici, j'ai dessiné deux lignes, mais il y a un paquet de lignes. Donc, l'humain a tendance à culbuter d'un monde à l'autre, et l'humain peut même avoir le mental dans un monde, l'astral dans un autre monde, qui crée des dissonances cognitives, et l'humain cherche à comprendre le monde, cherche à comprendre la vie. L'être qui se conscientise va finir par être capable de rester dans un canal, donc il va rester dans l'apothéose et il ne sera plus touchable ni touché par les mécaniques apocalyptiques. Cela veut dire que progressivement, le monde dans lequel il va vivre va être un monde beaucoup plus blanc. Mais comment il va faire ça? Comme, tu sais, la personne là, qui conscientise ça, mais qui sort d'ici, qui prend un accident, qui demain perd son emploi, qui là, elle se rend bien compte que j'ai raison. Qu'elle est sur une courbe apocalyptique. Ah, ça, c'est officiel, ça. C'est ça, mais elle on devrait la photographier, l'étudier, en écrire des livres, là-dessus. Bon, mais c'est ça, mais c'est un cas intéressant. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Elle veut changer de courbe. Elle veut changer de courbe, là. Elle veut être dans l'autre monde. Bon, elle ne peut pas rien faire. Mais qu'est-ce qui doit changer chez elle? Tout. Mais si elle ne peut pas rien faire, qu'est-ce... Pas comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, ça fait partie ça, des problématiques souvent chez les individus, c'est que l'être humain essaie, bon, là présentement, pour arriver à comprendre ce que j'explique là, il faut voir le monde autrement qu'en quatre dimensions. Mais toutes les décisions humaines sont des décisions qui sont minimum tridimensionnalisées, sinon quadridimensionnalisées. L'humain n'a pas la capacité actuellement de vibrer dans l'accomplissement d'une tâche. On va dire une décision, même si ce n'est pas une vraie décision. L'humain n'a pas la capacité de vibrer dans l'accomplissement d'une tâche autrement qu'en quatre dimensions. encore que la majorité vivent en trois dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que... Parce que c'est tu te promènes quelque part, tu fais un vol de banque, tu vis dans combien... Si tu fais un vol de banque, tu vis dans combien de dimensions? Bien, moi, je suis déjà mêlé avec les dimensions, là. C'est ça. Ben, j'ai donné la réponse, en plus. Mais je sais que c'est trois dimensions, mais c'est parce que ça ne dit pas grand-chose, moi, de me dire que je vibre en trois dimensions. Bon, tu vibres en trois dimensions, pourquoi? Parce que le temps, tu ne vibres pas au temps, parce que la conséquence, tu ne la connais pas. OK, oui. OK. Alors, quelqu'un, par exemple, qui prend de la boisson, vibre en trois dimensions. Parce que la conséquence de son acte, donc le temps, il ne connaît pas. Bon. Un individu, par exemple, qui peut vibrer en trois dimensions avec le temps, puis il y aura une dimension matérielle qu'il va perdre. Il peut perdre sa santé, il peut perdre des choses du genre. Bon, l'humain, normalement, agit, vibre, vit en trois ou quatre dimensions. Pour être capable de changer de continuum pour s'apothéoïser, il faut que l'humain soit capable de vibrer, on va dire, de prendre des décisions, en plus que quatre dimensions. L'humain doit être capable de non seulement changer sa vie actuellement, en même temps qu'il la change dans le passé, l'humain doit être capable d'écouter ce qui vient lui-même se dire à travers le temps. L'humain doit être capable d'écouter les informations qu'il reçoit du passé. C'est exactement comme si vous aviez une immense compagnie à diriger, puis cette compagnie-là a plusieurs étages. Bon, alors, vous avez des informations du bas, vous avez des informations d'en haut, vous avez des informations du plancher, et le directeur, la directrice qui est là doit être capable de tout coordonner. Bien, au niveau de la gestion de la vie temporelle, c'est la même chose. On reçoit de l'information sans arrêt du passé que l'humain va appeler réincarnation, que l'humain appelle manipulation, que l'humain... Bon, ce sont des manipulations, évidemment, parce que l'humain n'a pas de conscience. C'est-à-dire que ce qui se vit actuellement, par exemple, à l'époque de Rome, essaie de vous obliger à vivre comme ça aujourd'hui. Bon, sauf qu'évidemment, si vous vous laissez digérer, vous allez avoir tendance à vivre comme un Romain, dans un monde où le Romain n'a pas d'affaires, et vous allez souffrir. Puis normalement, ce qui va arriver... par symbiose énergétique, c'est que les souffrances du Romain là-bas vont être communiquées à vous ici. Si on vous flagelle, on va vous flageller. Si on vous condamne à la prison, on va vous condamner en prison ici. Il y a un mimétisme qui va se faire. Si vous digérez la réincarnation, c'est-à-dire que si vous ramassez l'énergie de l'individu là-bas, parce que lui, il ramasse de l'expérience au niveau planétaire, si vous ramassez son énergie, vous allez finir par acquérir son expérience énergétique. Vous allez rester vous-même actualisé dans le monde d'aujourd'hui. Donc, vous ne pourrez pas vivre la tragédie du Romain. Mais par contre, vous allez pouvoir vous servir de l'expérience du Romain en ce qui concerne le contexte du rêve, le contexte de l'illusion, pour être capable de mieux patiner actuellement ici. Puis l'individu qui est encore plus conscient énergétiquement va être capable d'aller descendre dans le temps, donc actuellement descendre au niveau d'une adresse temporelle antérieure, aller voir le Romain pour aller lui dire « Écoute, cesse de cracher d'en face des centurions. » Tu sais, cesse. Tu te fais mettre en prison. Ben, à un moment donné, il va cesser de le faire, il ne se fait plus mettre en prison, puis toi, subitement, ta vie ici, elle change. Sauf que ta vie change comment? Ta vie, elle change. Ça, c'est des choses encore que l'humain a de la difficulté à comprendre, c'est qu'à un moment donné, par exemple, tu n'as pas de crayon. Tu n'as pas de crayon pour écrire, aucun crayon pour écrire, et puis tu veux des crayons pour écrire, tu n'as pas de crayon pour écrire, puis à un moment donné, tu vas dans le passé, tu changes des choses, et puis là, tu reviens. Là, tu prends ton crayon, mais tu as un crayon maintenant. Ça fait 25 ans que tu as un crayon. Puis dans ta mémoire, tu as toujours eu un crayon. Donc tout ça change. Mais tu n'avais pas de crayon avant, là. Mais ça, tu ne sais plus. Puis là, quand tu viens pour écrire, tu écris sur la page 4827. Toutes les autres sont toutes écrites. Pourquoi? Parce que dans le continuum, tout est changé. Puis ça, l'humain ne saisit pas. Et ce qui va arriver, c'est que si l'ego là-dedans n'a pas d'information au niveau d'intelligence. L'ego aura toujours l'impression qu'il n'y a rien qui s'est changé, il n'y a pas eu d'amélioration. L'ego va dire, ben oui, mais j'ai toujours un foutu crayon. Mais est-ce qu'il doit être informé, l'ego? Non. Par contre, pas informé qu'il n'y en avait pas et que maintenant, il y en a un. L'ego, ce qu'il doit, puis ça, l'être intelligent, c'est une chose que souvent les conscientisés, que l'humain n'a pas, ou perd, c'est la capacité d'apprécier. Et la capacité d'apprécier, c'est une capacité supplémentaire, c'est une capacité intelligente. Apprécier ce que nous avons. Mais apprécier ce que nous avons, ce n'est pas, ça peut être récupéré évidemment par le phénomène spirituel, le phénomène astral. Mais apprécier ce que nous avons, ça veut dire, prenons l'exemple des jeunes, des enfants. Bon, souvent les enfants vont inconsciemment se faire ramasser par un égrégore où ils vont haïr leur père ou leur mère. Ils vont trouver des choses à redire contre eux autres. Ah oui, mais tu sais, il est niaiseux, puis etc. Sauf que, S'ils sont suffisamment d'intelligence, ils vont être capables de, sans se sentir redevables, sans s'attacher karmiquement, sans se culpabiliser, ils vont être capables subitement d'apprécier leurs parents qui prend une partie de sa vie pour les nourrir, une partie de sa vie pour les vêtir, une partie de sa vie pour les soigner, une partie, parce que les parents ici, si vous n'aviez jamais eu d'enfant, vous auriez entre 200 000 et 1 million de dollars de plus. C'est ce que vous ont coûté vos enfants, sans compter des rites de moins probablement. Bon, t'es enceinte, toi, là? En tout cas, t'es encouragé, mais... Le jeune, à un moment donné, évidemment, à l'adolescence, se fait ramasser par des entités d'adultes qui ne reconnaissent pas le parent comme étant son parent, puis il l'envoie promener. Mais la capacité d'apprécier, ça va être que je suis capable de me rendre compte d'apprécier les choses qui sont brillantes autour de moi. Parce que les manteaux, souvent, tombent dans le piège que personne ne mérite rien, ce qui est vrai, mais... Oui, mais la capacité d'apprécier, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu peux apprécier astralement, tu peux apprécier intelligemment. Apprécier intelligemment, bon, par exemple, moi, je vais faire un tour à un moment donné au Pérou et je suis avec des touristes. Et les touristes, eux autres, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est maudit qu'il fait chaud ici, hein? Ils ne peuvent pas apprécier. Dans l'avion, par exemple, ça va être, ouais, un petit maudit pain, tu sais, des 12 heures à l'avion, c'est tough en maudit. Alors que moi, je suis là, je regarde par le bleu et je me dis, pauvre Christophe Colomb, je suis capable d'apprécier un déplacement en avion, 12 heures pour partir du Canada, me retrouver sur l'hémisphère sud au Pérou. Je trouve ça extraordinairement génial. Je suis d'accord qu'en téléportation, ce serait plus intéressant. Mais actuellement, je me rends compte quand même que je suis assis sur mes deux grosses fesses et que je m'en vais à 925 km à l'heure, presque à la vitesse du son, vers le sud, sans faire d'effort. Je mange de temps en temps. Il y a une télévision là-bas où je peux voir un petit peu parce que les baies sont toutes à hauteur de mon nez. Moi, je ne suis pas grand, là, bon. Mais j'apprécie l'extraordinarité des choses. Par exemple, là, nous sommes habillés en chandail. Des fois, on est un petit peu chaud, des fois, on est un petit peu froid. Mais il fait moins 16 dehors, actuellement. Apprécier veut dire être capable de raisonner énergétiquement à l'esthétisme de ce qui t'entoure. Puis ça sent aussi astralement. Ça va nourrir astralement. De... Nécessairement. Ça nourrit astralement, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait un petit peu trop chaud, que je n'améliorerai pas la température. Mais l'être humain spirituel, s'il apprécie, il ne change plus rien. Mais s'il n'apprécie pas, il veut changer, mais très souvent, au lieu de changer, il va tout détruire. Prenons l'exemple souvent de la jeunesse. Au lieu d'apprécier l'école dans laquelle ils sont, ils vont détruire l'école. Puis on va dire, oui, mais l'école, c'est stupide, c'est ça. C'est vrai que l'école est améliorable, mais tu es mauditement mis dans une société qui te donne une école, une bâtisse, avec toute une paquet de structures pour te mettre à jour avec le 21e siècle. Même s'il y a du monde qui ne comprenne rien là-dedans. Je dis pas que c'est... C'est pour ça que je dis qu'il faut être capable d'apprécier et capable de changer les choses. Avec le discernement. Donc, ça oui, va nous permettre... sauf que celui qui apprécie ne change plus rien. Celui qui n'apprécie pas, il détruit tout. Alors, ce qui arrive souvent, par exemple, prenons l'exemple de... Les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sauter des chars. Ils font sauter des bombes. Eux, n'appréciant pas, ils détruisent. La majorité des gens qui n'apprécient plus détruisent. Ils n'améliorent pas, ils détruisent. Ah, le monde est pourri, faisons-le sauter. Alors que s'il est intelligent, il va dire le monde est pourri, améliorons-le. C'est pas ça qu'ils se disent. Le monde est pourri, on le fait sauter. Mais une fois qu'il reste derrière des ruines. Ils sont obligés de construire, mais ils partent vraiment, ils perdent de l'énergie là-dedans. Parce qu'ils ne sont pas capables d'apprécier. D'apprécier uniquement tout ce qui est créé, l'électricité, les lumières, tout ce qu'on a, là. Il faut apprécier. Mais ce n'est pas, si tu es intelligent, tu apprécies et tu t'améliores les choses quand même. L'individu capable d'apprécier dans l'intelligence va être capable de se rendre compte à travers les mouvements de ce qu'il va créer à travers le temps, il va être capable d'apprécier ce qu'il est. Il va être capable de s'apprécier lui, d'apprécier son corps physique, ça ne l'empêchera pas d'améliorer. Il va être capable d'apprécier ceux qui l'entourent, ça ne l'empêchera pas de rencontrer d'autres personnes. Donc, de profiter de où il est rendu. Oui. Mais c'est ça, l'humain transitif qui veut changer, justement, passer de l'apocalypse à l'apothéose, une des premières choses, il doit faire le ménage dans ses lignées. Il n'y a pas de chemin. Si je te décris ce qu'un être humain doit faire pour passer de l'apocalypse à l'apothéose, je vais te parler pendant quelques milliers d'heures. Moi, que je parle très vite. Et puis, je vais décrire ce qui se passe, mais tout ce que je vais décrire ne peut pas être applicable par une volonté humaine actuellement. Autrement dit, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit commencer par la lettre A, avant la lettre B, avant la lettre C, pour se rendre progressivement jusqu'à la lettre A pour un petit peu au complet. Mais est-ce que ça va être un processus individuel pour tout le monde, ou s'il y en a un certain nombre qui vont passer, puis les autres vont suivre? C'est un processus individuel, sauf que les individus peuvent s'entraider. Par exemple, tu peux envoyer un individu, tu peux aider un individu à traverser plus vite. Une fois que lui a traversé, il va laisser la trace complète du chemin dans l'astral. Même si le chemin de l'individu n'est pas ton chemin, ton ego sait maintenant que ça se fait. Fait que tu vas déjà avoir un ego qui va maintenant croire en ce que tu es toi. Il va donc te laisser libre d'y aller. Il va même probablement pouvoir t'aider en se négoïsant profondément. Mais est-ce qu'il y a un certain nombre, que quand ce nombre là d'individus vont passer, que toute la Terre va être en apothéose? Non. Qu'il n'existera plus d'apocalypse? Non, il va non, toujours... l'apocalypse, non. Il y en a qui vont... Et l'humanité n'est pas... Il y a du monde qui a de l'allure sur la Terre, mais... Il y en a qui n'en ont pas. L'allure de l'homme nouveau. Non, il y a énormément... Mais ça ne fait pas partie, ça, de toute façon, du questionnement de l'être nouveau. Mais est-ce qu'il y en a qui vont être pris à avoir une partie 2 dans l'apocalypse, puis l'autre partie dans l'apothéose? C'est ce qui arrive chez l'être transitif. Il y en a plusieurs, c'est ce qu'ils vont vivre. C'est le... Et dépendamment ce à quoi ils vont, ce dans quoi ils vont mettre leur énergie, ils vont être pris dans l'un ou dans l'autre. Exemple. Ça fait d'ailleurs, c'est un très grand sujet sur lequel on pourra revenir. La vibration de l'être humain qui va l'amener à accomplir, à agir, on va dire, en fonction de ce qu'il est dans la réalité de l'apothéose ou en fonction de ce qu'il est dans la réalité de l'apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple... Il y a un chien qui te court après. Il bave. Il y a les crocs sortis, tout ça. Il y a les yeux injectés de sang. Il te court après. Il veut tes culottes. Bon. Toi, tu cours. Puis là, subitement, tu as l'impression que tu es tout énervé, là, que tu sécrètes de l'adrénaline, là, puis c'est pas bon pour ton petit. Mm-hmm. Là, tu te dis, je devrais relaxer. Évidemment, ça va dire en même temps, oui, mais si tu relaxes, il y a d'autres choses qui vont te manquer, qui seraient bon aussi pour ton petit. Là, tu es pris entre deux mondes. Est-ce que tu vis la fille poursuivie par un prédateur ou si tu vis dans un autre monde? La personne transitive est en dissonance cognitive. La personne pas suffisamment transitive va être en course folle. Elle ne sera pas en dissonance. Elle se pousse. Pour l'instant, elle est dans l'apocalypse. Elle est dans l'apocalypse, elle est poursuivie par un chien. Bon. La personne qui est suffisamment en conscientisation, donc en transition, va être en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'elle va goûter à un monde, mais goûter à l'autre monde. C'est ce qui est le cas de plusieurs personnes transitives. Oui. De presque personne sur la planète Terre, mais de plusieurs personnes transitives. Là, ce qui arrive, qu'est-ce que tu devrais faire, toi? Commencer à magnifiser, à resconiser, à canviser, à ralentir, à te prendre en main, à t'occuper de ton corps, à régler tes sécrétions endocriniennes, qui oublie le chien pour l'instant, là. Mais c'est ça, là. Mais là, le chien, moi, je fais ça, mais je suis pas encore assez dans l'apothéose. Là, le chien, il me saute quand même dessus. Tu sais, c'est ça, là, l'affaire. Oui, mais c'est pas ça, l'affaire. Ce qui est l'affaire, c'est que si tu fais ça comme il faut, le chien, il va se calmer. Oui, mais c'est toujours la part... Oui. Je sais, mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est là le foutu problème. Votre foutu problème, là, il est là. Le problème, là, il est là. Le choix de l'homme nouveau, est-ce qu'il est fait? Non. Parce que ça revient on à la... On joue. Ouais. Parce que ça revient à la peur de suivre l'intelligence. De ce qui... Oui. C'est la peur, le doute. Vous doutez énormément dans tout. C'est pas de croire, là. C'est de cesser de douter. Bon. Prenons l'exemple, par exemple. Oui, c'est l'église. Mon intervieweur, le vendredi, en Détroit, lui, il a un énorme travail à faire et puis finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas venir interviewer. Trop de travail à faire. Mais il se rend compte que le travail qu'il a à faire, ce travail, que tout ce que ça apporte, ce travail-là, c'est de l'argent. Bon, ça apporte beaucoup, beaucoup d'argent. Ça apporte juste ça. Et puis là, à un moment donné, il se rend compte que s'il finit le travail, il va pouvoir le finir s'il prend son temps. Alors que s'il vient à la conférence pour interviewer, non seulement il n'est pas payé, mais en plus, il va perdre au minimum 4-5 heures de travail. Puis là, il va peut-être être en retard, puis il va faire ce travail absolument aujourd'hui parce qu'il part pour Nassau matin. Bon. Que doit-il faire? Finalement, il se rend compte que la vraie vie, c'est beaucoup plus dans l'énergie et dans l'intelligence, pas dans l'argent. Alors, il lâche tout, il s'en vient interviewer. Il arrive chez lui vers 11h minuit, il se couche. Puis finalement, le samedi soir, il a tout fini son travail au complet. Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionnait bien, tout était correct, c'est fini. Dans, le samedi dans la soirée, il y a même la soirée de libre en plus. Mais ça, je comprends plus ça que le chien. Sauf que lui qui a besoin d'argent, qui est dans le fric, là, et qui rencontre des clients, il faut qu'il finisse le travail pour eux autres, là, il ne comprenait pas ça. Fait que quand tu n'es pas dans le problème, on comprend ça. Moi, je comprends ça. Moi, je suis pas enceinte, je peux t'expliquer bien des affaires que je comprends, que tu ne comprendras pas. Il faudrait que tu comprennes. Mais sauf que lui a été suffisamment dans l'intelligence pour être capable de se dire, quelle est la vraie vie? Qui suis-je? Quelle est ma vie? Qu'est-ce que je fais? Bon, mais finalement, tu lâches tout ça, ça va te servir. Mais moi, je le dis souvent à certaines personnes avec qui je travaille, des aubaines, il y en aura toujours. Quelle que soit l'aubaine, énergétique, et une aubaine financière. Oh, mais là, c'est une aubaine, cette maison-là, faut que je l'achète, mais je n'ai pas l'argent, mais gars, il y en aura toujours des aubaines. Qu'elle avait économisé 400$. Mais tout de fait, ça ne va rien. L'humain, l'aubaine, il y en aura toujours. L'autre chose, c'est que si vous niaisez pas, vous ne serez jamais en retard. Mais là, la nuance, c'est de comprendre dans l'intelligence ce que c'est que de niaiser. Ouais, ben, c'est ça. Parce que je reviens, moi, c'est l'histoire du chien que pour moi, je comprends mentalement, là, mais pour l'ego, c'est différent que l'histoire d'un travail en retard puis tout ça. Ben non, c'est la même chose. Parce que si parce qu'il y en a qui vont se penser rendus, puis ils l'ont pas. T'sais. Ben, ils vont se faire rendre compte vite. Ils vont se faire mordre, c'est ça? Ben, c'est évident. Comme l'autre, il va perdre ses clients, il va perdre son argent. Ben, puis lui, ils vont se dire, ça marche, c'est pas vrai. Ben, c'est sûr que c'est pas vrai, il l'a pas fait. Mais, il n'y a pas de discernement. Je vais donner un exemple. Les abeilles, est-ce que t'as peur de ça? Oui. Bon. T'as-tu déjà vu du monde qui fouillait dans les ruches d'abeilles, pas de gants, pas de masque, rien, ils sont là? Dans des films seulement. Tout ça dans les films, c'est ça, c'est moins pire. Mais ça, c'est moins grave, il y a une vitre qui protège, hein? Quand tu regardes ça à la télévision. Bon. Non, mais c'est important, bon. Et puis là, il fouille là-dedans, puis là, il sort une affaire, puis là, il monte, il torse les abeilles un petit peu, tu sais. Il s'est pas piqué, le torieux. Mais moi, je suis certain que si j'irais là, je sortirais de là, je serais gonflé, bon. Lui, il s'est pas piqué. C'est la même chose que ton chien. Lui, il va te dire, non, ils sont fines, les abeilles. T'essayes d'en fêter une, tu vois. Mais lui, il n'y a pas de problème. Un petit peu de gaz, de temps en temps, la fumée, puis il va dormir un petit peu. Ça se promène partout, il y en a plein sur lui, il torse tout ça. J'en ai vu grimper dans des arbres, descendre dans des grosses falaises, par exemple, au Népal. Puis là, ils s'en vont tapocher des nids à coups de bebelles, puis ils montent de la fumée, puis il y a plein le miel sur la tête, ça coule partout. Puis là, ils descendent ça dans des grosses chaudières, puis les abeilles, il y en a-tu? On sort, arrive une piqûre ou deux, là, c'est... Moi, je n'irais pas m'essayer. Oui, c'est ça. On peut... Tu n'irais pas certain? Non, franchement, non. C'est la même chose. Ouais, mais lui est dans un monde où les abeilles ne piquent pas. Alors qu'il y en a d'autres dans un monde, surtout si tu es allergique. Si tu es allergique aux abeilles, il y en a juste une pièce de trou. Le chien, c'est la même chose. Les gens vont dire, si tu as peur, il sait. Ben, j'ai rien contre qu'il sache. Mais pourquoi il faut qu'il me saute dessus? C'est parce qu'on peut-tu être dans l'apothéose à 75%? Juste les fesses dans l'apocalypse? Le chien... Ça ressemble à ça, moi. Parce que si t'es dans l'apothéose à 75%, t'es pas dans l'apothéose. Exact. Donc, ça répond tout à ta question? Bien, ça veut dire qu'il faut tout penser. Oui. C'est ça. Fait que s'il y a un problème avec un chien, c'est quand même qu'il n'y a pas de problème avec le travail... T'es pas dans l'apothéose. sais, le bonheur parfait, est-ce que c'est d'être couru, poursuivi par un chien qui veut te mordre? Mais non. Ça serait plutôt de ne pas avoir peur d'être couru. Non, c'est de ne pas être couru par un chien. Mais parce qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est gros. Oui. C'est uniquement gros. Pourquoi? Parce que toutes tes fibres astrales ne veulent pas. Toutes tes fibres astrales de médiocrisme ne veulent pas. Tous les dieux ne veulent pas. Bref, la planète Terre au complet ne veut pas. Tes ancêtres, tes parents ne veulent pas. Tous tes grands-parents ne veulent pas. Il n'y a pas un seul de ses ancêtres, vous autres non plus d'ailleurs, qui veut qu'elle réussisse ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Ça, les parents là, qui veulent que leur enfant réussisse, mais la majorité des parents, ils veulent vouloir. Ils peuvent travailler contre en maudit. Inconsciemment, évidemment, c'est de la jalousie, c'est un paquet d'affaires du genre. Ouais, c'est aussi la peur de ne plus avoir de place, parce que c'est vrai qu'ils n'auront plus de place, eux autres. Non, dans ton cas, à toi, la majorité, ils vont t'amènent ton passé avec toi. Ils vont être transmués, par contre. Mais comme ils ne sont pas intelligents, de toute façon, c'est un problème. Ce que l'humain doit comprendre au niveau apothéosique, c'est que tu es... Tu sais, on va en reparler de temps en temps. Au départ, comme j'explique là, je peux te donner un paquet de mots. J'ai raison. C'est simple. Sauf que l'humain ne le fait pas. Quand on parle de désinhibition, là, c'est quoi la désinhibition? C'est exactement comme si on avait un mur entre l'apocalypse et l'apothéose. Parce que c'est directement relié, la désinhibition. C'est directement relié. En tout cas, tu cours, là, tu es à côté sur le mur de l'inhibition. Puis si tu te désinhibes, donc, si tu peux déchirer le mur, traverser l'autre bord, puis le coude assez vite pour que le chien suive, là, tu es dans l'apothéose. Mais tu ne peux pas être à moitié dans l'apothéose. C'est évident que de temps en temps, vous allez être dedans. Vous êtes totalement dedans. Et vous revenez, et vous sortez, et vous revenez. Pourquoi? Uniquement parce que sans arrêt, vous n'avez pas de centricité au niveau de votre intelligence. La conscience n'est pas totale. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 un être ascendant. 24 heures sur 24 un être qui intelligencie les choses. Je ne parle pas d'un être toujours en train d'analyser. Bien sûr, tu vis ce qui se passe. Surtout pas. C'est pas ça. Mais un être qui ne chiale pas, c'est un être qui est un être ascendant. Même, est-ce que l'analyse, c'est intelligent? Non, l'analyse, ce n'est pas intelligent. L'analyse, c'est intelligent uniquement si on te pose une question. Donc, on ne devrait jamais analyser comme ça. Je vais t'expliquer une chose. Ben, analyser comme ça, non. Ça, vraiment... Ben, c'est efficace, des fois. Tu vois-tu Simon analyser comme ça? Non. Avec un tutu, peut-être? Il y a des outils, et moi, non, pas des fonctions. C'est intéressant ce que je vais amener là. Si j'arrive à l'amener, là, ça va être intéressant. Moi, je sais déjà tout, là, mais je me sens de vous communiquer. Il y a les yeux pour voir, pleurer, pour faire que quelqu'un se sente coupable. Et les yeux. Il y a les pieds, serre à marcher ou à kicker. Il y a les fesses, ça sert à s'asseoir. On passe les détails. Hein. Il y a la parole. Est-ce que vous avez besoin de parler pour marcher? Non. Bon. Avez-vous besoin de marcher pour parler? Non plus. As-tu besoin de marcher pour pouvoir t'asseoir? Non. As-tu besoin de voir clair pour pouvoir parler? Non. As-tu besoin de marcher pour pouvoir voir clair? Non. Là, on peut continuer encore longtemps. Là, non, mais tu as besoin de voir pour marcher, ça va mieux en tout cas. Ouais, c'est pas vrai. Ben, ça va mieux. Non. Ben, tu te cognes. Ah ouais, mais tu marches quand même. Ben, tu marches. Un coup que tu as foncé dans le mur, tu marches plus. Ben, tu non, mais tu mets les yeux ouverts. Quand tu as foncé dans le mur, tu marches plus non plus. Mais peut-être que tu n'aurais pas foncé dans le mur. Ça ne change rien. Bon. Donc, ce qu'on comprend, c'est que tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. C'est clair, ça? Oui, ça, c'est clair. Parfait. Au niveau de l'être nouveau, on a la vitalisation. On a l'astralisation. L'astralisation, c'est la nourriture du corps astral et non pas l'égoïsation. L'astralisation. On a la mentalisation qui va être une nourriture du plan mental. Évidemment, une mentalisation orchestrée par l'ego, ça nourrit le plan mental, mais souvent, ça tue le contact avec le plan supramental. On a une supramentalisation. On a une énergisation. On a une énergification. Énergisation, on monte en énergie, mais ça peut s'en aller. On peut revenir à ce qu'on était. Une énergification, on se construit un corps d'énergie, on ne redescend pas après. Puis il y en a plein d'autres. Bon, et l'énergification, ça, c'est les quatre plans dont tu viens de parler globalement, là? Normalement, oui. Pas nécessaire, mais normalement, oui. L'analyse va se faire... Bon, regardez ceci, là, c'est assez nouveau aussi. Je marche, je voyage, je vis, j'observe, j'utopise. C'est-à-dire, j'utopise énergétiquement. Ça veut dire que je suis capable de m'alimenter, de m'abreuver de l'onde de forme, donc du paysage, de l'onde de forme événementielle, de l'esthétisme d'un événement. Quelqu'un qui sauve la vie à quelqu'un, ça peut me nourrir. Bon. Un lion en train de lécher ses lionceaux, je peux trouver ça esthétique, c'est un événement. Bon, j'utopise. Là, je suis en train de marcher. Je voyage, par exemple. Je me nourris. J'utopise. Je vais me laisser absorber par l'onde de forme sans utopiser, c'est-à-dire à un autre niveau. Il y a des subtilités là-dedans. Donc, je vais carrément m'abreuver à l'onde de forme. Je me laisse absorber. Autrement dit, je suis capable d'apprécier ce qu'il y a. J'apprécie l'odeur d'une fleur. C'est pas spirituel. J'apprécie. Mais, à un autre niveau, niveau 2, je réponds à des questions. J'intelligencie des mécaniques. J'analyse, mais pas par le cerveau, j'analyse par un voyage séraphique dans le plan supramental, dans les annales akashiques. Autrement dit, je chemine, c'est une analyse. Sauf que lorsque je vis, je ne fais pas ça. Lorsque je suis en conférence, par exemple, et que tu me poses des questions, je fais ça. Je ne fais pas nécessairement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être nouveau, par exemple, à un moment donné, moi, je peux analyser des choses. Mais l'être nouveau n'analyse pas toujours. Non, comme je peux être assis. Mais l'être nouveau, pas toujours assis, peut marcher. Mais quand il est marché, il ne marche pas assis. Mais ça, c'est très important à comprendre, ça. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un outil, un sens, par exemple, pour arriver dans un certain moment donné de l'accomplissement, de l'expression de la vie d'un être nouveau, il peut y avoir le dialogue. On va discuter. Mais on ne discute pas pour analyser. Mais nécessairement, chez l'être nouveau, dans la discussion, il va y avoir la course aux questions-réponses. C'est-à-dire que tu dis quelque chose de brillant, et ça, moi, ça me branche quelque part. J'ai les prémices d'une question. Parce que je suis un être connecté, je n'ai jamais de questions et j'amène immédiatement la réponse. Toi, je te branche. Tu as les prémices d'une question. Si tu es un être connecté, tu n'as pas de questions, tu amènes immédiatement la réponse. Donc là, on discute. On ne pose pas de questions. On n'amène que des réponses. Mais là, on est à ce niveau-là ici. Puis si à un moment donné, on s'en va jouer au ping-pong, on est à ce niveau-là ici. On n'est pas là en train d'analyser sans arrêt l'ego du voisin, la clôture, la couleur, puis... une chose. Même chose, par exemple, quand un être nouveau, par exemple, disons, se couche pour dormir, bien là, il peut instantanément commencer à m'infuser, à placer son corps. Il n'a pas nécessairement fait ça là. Il ne fait pas ça 24 heures sur 24. Il va resconiser un laps de temps en fonction de ce qu'il veut. Il se prépare à un transport séraphique, à un voyage astral, à une nullité astrale. C'est une autre forme d'expression à travers sa vie. Tu sais, il y en a plein comme ça. Un être nouveau, c'est comme l'être ancien. Il ne fait pas tout en même temps. Donc, votre corps bat, mais c'est indépendant de la digestion. Mais l'analyse, là, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui tombent dans ce piège-là, pourquoi est-ce que ça envahit autant? Pourquoi une telle valorisation à l'esprit critique, par exemple? Bien, ça, c'est simplement parce que, traditionnellement, à travers l'émancipation de la bourgeoisie, l'aristocratie parvenus, à travers l'émancipation de la bourgeoisie, on en arrive à un point, puis les sciences, etc., où, après l'astralisation de l'humanité, après la vision émotive permanente, on a développé le cartésianisme, c'est-à-dire l'intellect. L'intellect est la phase qui naît dans l'humain après l'astral, après l'émotion, et c'était devenu une façon snob de se séparer de la population, donc du peuple, que d'intellectualiser. L'intellectualiste, c'est l'analyse logique, l'analyse mentale, l'analyse scientifique. Et progressivement, en psychologie, dans toutes les formes de sciences, dans la même dans la morale, ça devenait extraordinaire que d'être un analytique, parce que les autres étaient trop épais pour l'être. On a inventé la même idée de quotient intellectuel. Alors, et ce qui va arriver, même au niveau de ceux qui, à un moment donné, se conscientisent, après l'intellect plus puissant, c'est le mental. Il y a des gens qui vont rester arrêtés dans l'analyse du mental. Oui. Là, ils mentalisent sans arrêt pour anéantir. Parce qu'un mentalisateur est un être humain qui anéantit. Quelqu'un qui mentalise sans arrêt, c'est quelqu'un qui a accès à une structure imparable de logique. Mais qui détruit l'énergie. Il ne peut pas faire autrement parce qu'un mentalisateur, c'est un être qui... Bon. Il y a un clou ici. Ah, il n'y a plus de clou. Le mentalisateur, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui... C'est l'élite majeure et maximum de ce qu'un animal humain peut devenir. C'est le mentalisateur. Un mentor, un mental, un mentalisateur, c'est l'élite de ce que l'humain peut devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la gestion de l'expérience, de l'événement, de l'information... est régi par une capacité phénoménale, absolument parfaite de mentalisation, mais le mentor, le mentalisateur, la mentalisatrice, n'a pas de contact avec l'intelligence instantanée, donc le plan supramental, il a de contact qu'avec l'information actuellement connue sur la Terre, donc qu'avec la mémoire. Mais comment ça, il se trouve si intelligent? Parce qu'il y a encore de l'ego, il est relié de la mémoire. Mais et en plus, ce n'est même pas une question qui se trouve intelligent dans le sens absolu du terme, c'est qu'il est mental. Donc, il est manipulé de mental, ce qui fait qu'il mentalise. Oui, ça, oui, je comprends, mais c'est parce que vraiment... Bon, un mentalisateur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'auginerie. L'auginerie, oui. Je ne comprends pas. L'auginerie. C'est ça. J'en suis pas. Un mentalisateur, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, puis il y a différents types, évidemment. J'ai déjà expliqué qu'un mentalisateur est nécessairement un être religieux. Il fait partie de la religion mentale. Un mentalisateur, c'est un être de destruction. Pas nécessairement qui va tuer, qui va détruire, mais c'est un être qui peut tuer, qui peut détruire. C'est un être qui est mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lui dire... Tu devrais, mettons, prenons un jeune, mettons, de 14 ans qui serait rendu au niveau du plan mental, qui serait un mentalisateur, on va lui dire, il faut que tu réussisses à l'école. Il va dire, écoute bien, tu sais, dans 55 ans, elle va mourir. Je n'ai vraiment rien à foutre d'aller à l'école. Bon, oui, mais tu vas être malheureux toute ta vie. Tu sais, le bonheur et le malheur, il n'y a rien de plus illusoire. Moi, pour être heureux, là, ce qu'il me faudrait, là, je ne l'aurai jamais sur la planète. Fait que, t'inquiète, oublie-moi. Tu ne peux, il a raison. Sauf qu'il n'y a pas raison quand on comprend l'énergie. Exactement. Il a raison en tant qu'animal humain. Il lui manque l'information supramentale, puis le mentalisateur aura des difficultés à tuer dans le plan supramental parce qu'il va avoir l'impression qu'il pensait que tu avais compris, mais vu que tu es heureuse, tu n'as rien compris. C'est des pèses en maudit. Parce que quelqu'un qui a tout compris de ce que c'était la vie et qui continue à sourire, bien, il n'a rien compris pour un mentalisateur. Alors, le mental aura raison tout le temps. Comme je disais à un moment donné, bon, pour ceux qui ont vu le film Terminator, c'est un mental. Alors, c'est très simple. Le bonhomme, il s'en va, il veut une automobile, il tue le gars qui est dedans, il prend l'automobile. Tu sais, ça, c'est logique. Ça, c'est, il ne m'écœurera pas, l'autre. Il n'aura même pas porté plainte. C'est impeccable. Bon. Ça, c'est un mental. Un mental peut agir comme ça. C'est ça, mais sans, parce qu'il y en a qui vont se dire qu'ils ne se reconnaîtront pas là-dedans parce qu'ils ne font pas non, aussi évidemment. Fort que ça, là. Mais sans que ce soit de détruire, de vraiment tuer quelqu'un, mais qu'ils comprennent qu'ils détruisent toute synergie. Bien, c'est évident, la synergie te parle, il n'y a rien après pour le mental. Ça, mais c'est parce qu'il ne perçoit, il perçoit pas le phénomène, il ne perçoit pas l'énergie qui circule pour dire... Il ne peut pas percevoir rien de ce qui procède de l'intelligence. Donc, il ne peut pas passer dans l'apothéose du tout. Non, absolument pas. Eux autres, ils sont totalement coincés dans l'apocalypse. Puis comment, pour un mentalisateur, là, il ne peut pas s'en rendre compte? Comment il peut faire pour traverser? Il ne peut pas s'en rendre compte. Fait qu'il va rester pogné. Non, à un moment donné, il va s'en rendre compte. Mais tu peux, il ne peut pas... Qu'est-ce que quelqu'un qui ne s'en rend pas compte peut faire? Ah, c'est vrai, mon petit côté missionnaire. C'est ça. Il ne peut rien faire. Un jour, il va s'en rendre compte. Là, il peut faire. Parce que pour passer dans l'apothéose, il y a aussi un manque d'énergie. Oui, mais ça, pour que l'humain ramasse son énergie, il faut que l'humain engendre des synergies. Donc, ça va être entre individus. Oui. Regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu ceci. Pour accélérer une particule P à 100 000 km à la seconde, donc 100 000 km seconde, elle se déplace donc rapidement. On a besoin, par exemple, de 20, on va dire 20 kg d'énergie. Pour l'accélérer à 200 000 km seconde, le double, on n'a pas besoin de 2 fois plus d'énergie, 40, on aura probablement besoin de 20 fois plus d'énergie pour l'accélérer. Donc, on met notre zéro ici, notre zéro là, on va chercher. Donc, on va prendre 4000 pour l'instant. On aura besoin de 4000 fois plus d'énergie. OK? On va aller chercher dans l'énergie. C'est énormément plus. Si maintenant, on veut monter ça à 250 000, c'est plus 4 000, tu vas probablement avoir besoin de 4 millions de grammes d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu t'approches d'une certaine vitesse, si tu doubles la quantité d'énergie, tu augmentes à peine la différence. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve tellement collé sur la membrane. Mais là, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que si, par exemple, tu brûle 20 gallons d'essence pour atteindre 15 km à l'heure, tu veux accélérer de 15 à 16 km à l'heure, tu auras besoin, mettons, de 90 gallons d'essence. Alors, à 20 gallons d'essence, tu es à 15. À 30, tu es à 15. À 40, tu es à 15. Logiquement, restons à 20. Non, mais si tu veux passer à 16 à un moment donné. Oui, mais là, c'est ce qui arrive pour l'humain souvent, c'est que l'humain en met, ça, il ne change rien. Fait que là, c'est sûr que si l'humain n'a pas la compréhension des mécaniques, il va finir par se dire, écoute, ça ne sert à rien. Bon. Plus l'humain va approcher de l'apothéose, ouais, mais... plus l'humain approche de l'intelligence, plus l'humain approche du contact supramental réel, non pas par une antenne collective, mais son propre contact, plus il a besoin d'énergie pour faire un petit pas. Tandis qu'avant, il prenait un peu d'énergie, faisait un bond, mais maintenant, il en prend comme il n'en a jamais pris. C'est à peine s'il vient de bouger. Mais là, évidemment, il est collé à la membrane. Mais c'est ça, mais il y a quand même un phénomène où il peut s'épuiser, là. Parce que l'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il n'a pas la compréhension encore complète de la réalité de sa présence. C'est-à-dire que l'humain vit comme s'il était un animal trop souvent. Donc, il va gaspiller de l'énergie dans le contexte planétaire. Puis juste se maintenir là peut prendre de l'énergie. D'où l'importance d'arriver à créer des synergies pour que, tant que l'énergie circule à ce niveau-là ici, la synergie, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour intelligent. On a dans le système atomique des exemples d'amour intelligent. On a, par exemple, des atomes qui vont avoir des relations covalentes, par exemple. On a des atomes, il va y avoir des liaisons ioniques aussi. On a, par exemple, ici un atome qui a besoin d'un électron pour être stable. On a un autre atome qui a besoin d'un électron pour être stable. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans sa vie infernale? Il perd un électron. Pauvre petit. Là, il est en peine d'amour. Oui, là, il est en peine d'amour. Il est tout débalancé au complet. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, c'est qu'il peut se rapprocher d'un atome qui a un électron. Puis là, les deux atomes vont se rapprocher et les deux atomes vont se partager leur électron. Ça, c'est une liaison au niveau des atomes, ce qui va faire en sorte, par exemple, que le fer va rester collé ensemble. Bon, c'est un exemple que je donne ici. On a un électron partagé par les deux. Et qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne l'impression, dans la réalité, que chacun a un électron, les deux sont contacts. Ça, c'est pas de les séparer, c'est bien compliqué. Tu peux, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, tu as le choix de donner un électron à celui-là ou d'en faire partager un. La synergie, c'est ça. Quand les êtres qui se conscientisent sont rendus à un certain niveau, plus ils vont être capables de partager leur énergie ensemble, non seulement lui ne perd pas d'électrons, mais lui en gagne un. Donc, ici, on a un électron, puis dans la réalité, tu as deux électrons. Dans une forme de réalité virtuelle, tu as deux électrons. Puis dans une réalité non virtuelle, tu as un électron partagé. Étant donné que l'électron est présent instantanément partout, il n'y a pas de problème pour les deux atomes, mais tu as bel effectivement un seul électron. Là, c'est de l'amour intelligent. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que doivent vivre les humains. Oui. Ça ressemble à ça. Oui, pour ne pas perdre de leur énergie. Mais c'est pas ça qui se produit encore actuellement. Non, ça, c'est une constatation, c'est pas une question. C'est une plainte. Mais c'est parce que, autrement dit, la désinhibition, là, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas aller dans l'apothéose si on ne se désinhibe pas, parce que c'est la désinhibition qui va amener l'énergie pour passer dans l'apothéose. La désinhibition, là, c'est simplement... Vous avez une immense membrane de cellophane ou d'énergie. La désinhibition, c'est que quand tu traverses la membrane au complet, là, tout ce que t'es, toi, là, ça passe pas, puis tout se ramasse de bord. Bien, l'impression que tu ressens en faisant ça, là, c'est l'impression de la désinhibition. Autrement dit, est-ce que je peux traverser sans traverser? Non. Alors, si tu te désinhibes, tu traverses. Si tu traverses, tu te désinhibes. C'est ça va vers la propio. C'est ça. Mais c'est parce que, là, ben, on parle de ça, puis voir comment concrètement, là, demain matin, si on veut avancer dans l'apothéose, qu'est-ce qu'on peut faire? On reste, on peut juste continuer à accumuler de l'énergie? On peut juste, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? On peut juste marcher? Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, ça reste encore vague, ça reste encore... C'est pas vague, c'est pas vague, c'est clair, clair, clair, sauf que ça regarde pas l'ego. L'humain a besoin d'énergie. Pour que l'humain ramasse de l'énergie, l'humain doit entretenir son corps physique. Ça, j'ai beau le répéter, là, il y a bien du monde qui entretient le corps physique. Moi, entre autres, un autre sujet dont je veux parler, c'est intimement relié, c'est que des humains transitifs, eux, vont développer des maladies propres aux humains transitifs. Donc, ces maladies-là, est-ce que ce sont des conspirations de l'astral ou c'est parce que c'est l'humain qui gère mal? Ben, c'est des conséquences. C'est que ton corps physique n'est pas harmoniquement organisé pour être capable de t'approcher de l'intelligence. L'humain doit entretenir. Puis entretenir, c'est pas, ben moi, je monte au travail, là, j'ai trois étages, je monte et marche. Ça, c'est pour entretenir un vieillard. Pas pour entretenir un être humain. Un vieillard, oui. Et moi, je marche un demi-kilomètre par jour. Ah non, moi, j'en marche 5 kilomètres par jour. La marche, c'est pour les vieillards. Bon, ça, c'est pour que la personne meure plus lentement. Bon, ça sert à ça, la marche. Il faut faire du sport. Il faut faire du conditionnement physique, et cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, musculaire. Bon, minimum, on commence avec Menfi. Il y a reconditionnement physique. Il y a du conditionnement physique, il y a du conditionnement magnifique, mais ça, c'est un peu plus complexe. Il y a du tennis, il y a du badminton, il y a de la course, il y a tout ce qu'il faut ici, de la natation. Puis c'est minimum une fois par semaine. Et une fois par semaine, là, une activité sportive. Une fois par semaine... Ça entretient, ça n'améliore pas. Deux fois par semaine, vous améliorez. Bon, puis il y a du monde qui me disent, moi, oui, mais moi, je suis passé en forme pour aller faire du sport, là, tu sais, là. C'est juste, tu sais, franchement. Mais ça, mais pour traverser, on ne peut pas être dans l'entretien, il faut être dans l'amélioration. Ça, c'est évident. L'entretien, c'est que tu cesses de dépérir. Là, tu t'entretiens. Tu cesses de dépérir. Il y en a qui se disent, moi, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour commencer. C'est justement le temps de commencer. Tu me dis, moi, je suis trop jeune puis je suis trop en forme pour faire du sport. Bon, en tout cas, c'est un peu niaiseux, mais au moins, tu es en forme. Mais moi, je suis pas assez en forme pour en faire. Mais justement, pour être en forme, il faut que tu en fasses. Tu seras jamais en forme. Il faut que tu commences. Oui, mais je suis traqué 2-3 jours après. C'est une preuve qu'il faut que tu en fasses. C'est pas une preuve qu'il faut que tu arrêtes. Ça, les gens ne comprennent pas ça. Là, en 84, 85, 86, lorsqu'on donnait des cours PMC au centre de l'université où on avait des locaux, il y a plusieurs personnes qui avaient fait mon séminaire, qui étaient dans la conscientisation, qui, après le début des cours, me laissaient tomber tout simplement. Pourquoi? Parce qu'eux ne voyaient pas la conscientisation assis à terre, sur un tapis, en train de t'étirer les jambes. On se conscientise pas de même. D'abord, on a quelqu'un sur la planète là, qui parle de conscientisation assis sur une chaise, au moins. T'sais, pas assis à terre. Là, après ça, il fallait faire de la course. Les personnes transpiraient un petit peu, puis là, la conscientisation sous la sueur. Alors, il y a un paquet de personnes qui sont parties. La conscientisation, un être humain qui se conscientise totalement, et c'est ce qui est le piège de l'astral, c'est que si tu te conscientises en oubliant ton corps de chair, tu fumes, tu te drogues, tu manges tout croche, on dit, voilà quoi, c'est pas grave, quand on va être connecté, l'intelligence va transmuer mon corps, qui va tout me guérir. C'est vrai. Si tu te rends jusque-là. Ah, ben c'est ça que j'allais dire, là. C'est qu'il y a un. On a à se rendre à un point, puis ensuite, on reçoit de l'énergie d'allié. Oui. Il faut que tu te rendes jusque-là. Oui, mais c'est ça. Mais là, on ne sait pas c'est où ce point-là, finalement. Non, mais une chose certaine, c'est que le corps physique doit être entretenu et amélioré. C'est de l'intelligence. C'est intelligent. Puis c'est facile, mais ça demande de l'individu la compréhension. La compréhension, ça demande de savoir. Le savoir, vous en avez quand même pas mal. Vous allez en avoir d'autres, évidemment. Ça demande de savoir, ça demande un deuxième plan d'intelligence, minimum, un petit peu de la vol. La vol de la volonté, évidemment, mais un petit peu de la vol. Quand l'humain a un petit peu de volonté, quand l'humain a de la vol, là, il commence à s'entretenir un peu. Autrement dit, tant qu'à boire, il boit un verre plein, tu sais, au moins, il renforce son bras un peu. Lentement, l'humain doit s'arranger pour entretenir. Il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts physiques. Contrôler le corps de chair, minimum. Après, vous allez contrôler le corps d'énergie vitale. Il est un petit peu plus difficile à contrôler. Après, vous allez contrôler le corps astral. Après, vous allez contrôler le corps mental. Je disais à un de mes amis, quand j'avais une douzaine d'années, il essayait de faire de la télékinésie. Puis je disais, écoute, tu essaies d'avoir de la volonté de faire bouger un verre, tu n'as même pas la volonté de te lever pour aller chercher. Tu sais, c'était un vrai paresseux. Bon, mais c'était même, lui, il voulait être télékinésiste parce qu'il était trop large pour aller le chercher. Mais c'était pas la volonté de prendre le corps pour aller le chercher alors que tu le contrôles bien. Imagine que bien la volonté qu'il va falloir pour le faire bouger quand tu contrôles rien de l'interpréteur actionnel. Entretenir le corps de chair, manger intelligemment, donc éliminer de notre alimentation les choses qui ne servent à rien, c'est sûr qu'on se fait encore ramasser. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se rendre compte que ce que tu manges, pas ça que tu veux manger, mais de vivre en être intelligent 24 heures sur 24. Être intelligent, c'est qu'il est manipulé. Bon, tu sais, il en mange, mais c'est épais, il n'en a plus. À un moment donné, il ne mangera plus. Bon, puis nécessairement, on entretient le corps de chair, on entretient le corps vital, dont on pourra revenir un petit peu, le corps astral, on va revenir là-dessus. Il faut entretenir.